بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. تبت يدا أبي لهب وتب. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Sa fortune et tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il sera voué à la flamme de l'enfer, et sa femme sera condamnée à transporter le bois du feu avec une corde de fibre autour de son cou.